Valérie Levé et Marie-Claude Dionne au microphone de Futur Simple pour une rencontre un peu inusitée entre la science et l'histoire. L'histoire, ce n'est pas seulement des dates, des événements, des personnages clés, c'est aussi et surtout remonter le passé pour comprendre ce qui s'est passé sans le déformer. Il y a là un travail d'analyse et de rigueur à mener et c'est pour comprendre ce travail que nous avons invité Boris Laurent. Il est historien et journaliste spécialisé en histoire des relations internationales et en histoire militaire. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le dernier étant « Les U-Boats pouvaient-ils gagner la bataille de l'Atlantique ? Mystère de guerre ». C'est paru cette année aux éditions Economica. Bonjour Boris. Bonjour. Alors, pour camper le sujet, j'aimerais commencer par une question de base, en fait. Quels sont les rôles et devoirs de l'historien ? Les rôles et devoirs. C'est une vaste question. C'est une vaste question, oui. Ouais. Je crois que le premier rôle, et qui est aussi un devoir, c'est de mettre en lumière le passé pour éclairer le présent. C'est ça le rôle majeur de l'historien, qui est au fond une sorte d'enquêteur. Oui. Et ces enquêtes permettent justement de mettre en lumière des événements qui expliquent des événements d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et qui permet aussi, plus ou moins, d'anticiper sur des événements futurs, c'est-à-dire de se projeter pour éviter de répéter des erreurs, par exemple, pour analyser des situations dangereuses, des situations de crise. Mm-hmm. Le rôle de l'historien dans ce domaine-là est capital, je crois. Parce qu'on peut retrouver des analogies entre ce qui s'est passé et ce qu'il est en train de se passer, par exemple, et de dire ça va peut-être continuer comme ça. Alors, on dit que l'histoire ne se répète pas. Ouais, c'est vrai. Mais il y a des éléments qui sont troublants parce qu'ils se ressemblent. Et c'est autant de mises en garde. Je pense aux crises, par exemple, à la crise, crise politique en Europe, la montée des populismes, etc. Ça, c'est des éléments marquants qui se passent actuellement. Et les historiens peuvent éclairer sur montrer des similitudes avec des événements passés. Donc l'historien, il mène son enquête. Tout à fait. Et comment il fait ça, en fait ? Alors, l'enquête de l'historien, on ne part pas de rien, on parle de plusieurs choses. L'élément central de l'historien, son outil principal finalement, ce sont les documents. Ce sont des documents qui sont de nature très variée. Il y a des documents écrits, des documents issus de l'archéologie, des pièces de monnaie par exemple. Ah oui. La numismatique, c'est un domaine très important dans l'histoire, notamment l'histoire antique. Donc c'est ce travail sur la source qui est important pour l'historien et c'est l'importance du document. C'est savoir le critiquer, savoir prendre de la distance avec ce document, c'est-à-dire ne pas se jeter sur le document et prendre pour acquis tout ce qu'il nous raconte. Il faut prendre du recul afin de rester impartial. Et l'historien, par exemple, l'historien français Jacques Le Goff disait toujours que avec le document, le travail de l'historien, c'est une quête de la vérité. Et le document l'aide dans cette quête-là, qui n'est pas facile. Et quand on pense au travail de l'historien, justement, on pense à la documentation, les manuscrits, des fois qui peuvent être partiels, un peu, même des fois en lambeaux, on n'a pas tout. C'est une problématique réelle de l'historien, mais est-ce qu'on trouve d'autres problèmes qu'un historien peut passer? Le parti pris, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de critiquer un document, le parti pris du document, par exemple, si on prend l'exemple de mémoire écrite par un personnage, célèbre ou non d'ailleurs, dans le document, dans ses mémoires, transparaît, c'est très subjectif finalement. Oui, il y a un gros billet. Voilà. Donc l'historien doit prendre du recul avec ça, recouper l'information avec d'autres documents, afin d'établir une espèce de moyenne pour chercher la vérité. Et c'est là le travail, finalement, un des plus passionnants, mais le plus difficile aussi. Et en fait, vous parliez précédemment des pièces de monnaie. Ça m'a un peu intrigué. En fait, en quoi est-ce que c'est un outil ? Est-ce que c'est pour les figures qui sont imprimées dessus ? Est-ce que ça nous... Enfin, qui sont imprimé, en tout cas pressé dessus. Est-ce que ça nous indique de l'époque d'où ça vient, qui était le roi ou le dirigeant à ce moment-là? Puis la circulation peut-être de ces pièces-là dans le... Oui, oui, tout à fait. C'est important de... alors, si on parle par exemple des pièces de la monnaie antique, dans l'Empire romain, c'est un moyen de propagande. La figure de l'empereur est apposée sur la pièce. Le nom. Ah oui. Donc, selon la figure qui est apposée dessus, le nom qui est inscrit dessus, l'alliage également, c'est-à-dire la matière de la pièce, l'endroit où il a été retrouvé, on peut voir la diffusion des pièces de monnaie sous l'Empire, le rôle du commerce, et puis voir aussi le rôle de cette propagande impériale à travers ces pièces de monnaie. Il n'y a pas que les édifices, l'architecture. La pièce de monnaie, c'est un élément très important de la propagande impériale sous l'Empire romain. Il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on peut déceler d'une simple pièce de monnaie. C'est social, politique, il y a la technologie derrière. Ouais. Et la pièce de monnaie en fait partie, mais on a aussi il y a plein d'autres vestiges archéologiques qu'on peut penser avec le même empreinte d'informations comme les vases aussi. Là, on peut Absolument. Penser à la vaisselle, là, c'est extraordinaire. Le lot d'informations qui peut ressortir. Tout à fait. Et pour les documents, en fait, comment on se les procure, les écrits, les documents écrits? Parce que est-ce qu'on trouve encore des nouveaux documents écrits? Alors, je parle de mon domaine d'expertise, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Les archives, par exemple, les archives allemandes, ont été ouvertes, continuent d'être ouvertes actuellement. Il y en a tout un stock immense qui est gardé jalousement à Moscou. Les Russes ont fait main basse, les Soviétiques ont fait main basse sur la plupart des archives, notamment des archives militaires. Il n'y a pas que les archives politiques. Les archives militaires les intéressaient de près, notamment pour tout ce qui était organisation des armées et matériel et technologie donc. Donc tout ça a été embarqué dans des camions et dans des trains direction Moscou, et les archives, c'est très difficile d'y avoir accès. Faut montrer patte blanche, voire soudoyer. Il y a un historien britannique qui a réussi à faire ça, à rentrer dans les archives soviétiques, donc qui sont gardées en Russie par des agents du FSB. Il a soudoyé certaines personnes. Bon, le problème c'est qu'il peut plus y retourner maintenant parce qu'il s'est fait. Il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre. Mais vous pouvez continuer. Oui, donc ces archives-là, elles dorment dans des caves bien gardées. Et quand elles sont finalement, quand elles sont ouvertes au compte-gouttes, on découvre toujours quelque chose d'intéressant dedans. Voilà. Ce qui peut remettre d'ailleurs en question notre lecture. Des acquis. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et il y a tout aussi le pan de la documentation personnelle, les archives personnelles qui sont pas toujours accessibles quand la personne est encore vivante. Souvent, on attend quelques années avant d'avoir accès à ce qu'elle a donné comme archive. Mais ça aussi, ça peut être un lot d'informations intéressant d'avoir cette vision-là, soit de la Deuxième Guerre mondiale ou quelconque événement le plus récent aussi. Tout à fait. C'est très important, les archives personnelles, que ce soit quelqu'un qui écrit son journal durant des événements terribles, ou que ce soit un général ou un homme politique. Oui, parce qu'il ne va peut-être pas avoir la même lecture de ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que un peu une caricature, mais peut-être que le soldat dans la tranchée va pas avoir la même lecture de ce qu'il est en train de vivre que le général qui a décidé l'opération. Voilà, tout à fait. Et c'est de la micro-histoire. Ultimement, on est dans du micro au lieu d'avoir l'image macro de l'événement. Ouais, d'où l'intérêt aussi, justement, donc de croiser les informations. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Dès lors qu'on se penche sur les archives personnelles et sur des mémoires de guerre ou des mémoires politiques, par exemple, c'est intéressant de les recouper avec d'autres mémoires parce qu'on a le point de vue de l'homme politique, le point de vue du soldat en ce qui concerne l'histoire militaire, le point de vue du civil aussi. Le simple habitant d'une ville qui voit des combats... qui relate ça dans son journal, par exemple. Donc ça permet d'extraire des éléments qui se rapprochent de la vérité. Et parfois, on y accède à cette vérité grâce à ça. Et je me demandais aussi, parce que les informations qui vont être diffusées par un pays et par un autre, par des pays qui sont opposés, qui sont ennemis, ne vont pas forcément être les mêmes et vont peut-être pas être lu non plus de la même façon par l'historien non plus, selon le camp dans lequel nos ancêtres ont été ou dans le pays auquel on appartient. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de taire certains événements qui ne nous plairaient pas, qui ne seraient pas conformes à l'histoire officielle du pays? Alors ça, c'est, je crois, aujourd'hui, l'historien justement dépasse. Okay. Dépasse ce stade-là. C'était vrai au 19e siècle notamment, puisque l'histoire était surtout nationale. Les nationalismes étaient très très très forts en Europe notamment. On n'aimait pas trop son voisin, on le critiquait, on le brocardait, et bon, du coup, voilà. Donc là, c'était quasiment de la propagande. Les historiens aujourd'hui essayent, dans la mesure du possible, d'être neutres. Et on fait référence à ces historiens pour justement avoir un regard le plus extérieur possible, qui ils survolent en quelque sorte. C'est un regard, c'est le point de vue d'Icare. Ils sont au-dessus de tout, des partis politiques, des idéologies. C'est ça leur rôle, et c'est en cela qu'il est intéressant, je crois. Et probablement que l'histoire, c'est un peu comme, bon, ça fait partie des sciences humaines, donc probablement que cette discipline, de même que les autres disciplines, de plus en plus ont tendance à fusionner ou à chercher des collaborations avec d'autres disciplines. On le voit entre, je sais pas, la génétique et l'informatique qui a donné la bioinformatique. Donc il y a des fusions entre disciplines qui n'étaient pas nécessairement voisines précédemment. Est-ce que c'est la même chose avec l'histoire? Est-ce qu'elle est cloisonnée ou est-ce qu'elle interagit avec des collègues d'autres disciplines? Alors. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, depuis même pas mal d'années, l'histoire s'est décloisonnée, c'est ouverte aux autres sciences humaines. Ça, on le doit notamment à deux historiens français qui sont Marc Bloch et Lucien Febvre, qui ont créé l'école des annales. Et le but de cette école, c'était justement d'ouvrir les champs de recherche à d'autres disciplines des sciences humaines qui viendraient épauler l'histoire. À un moment donné, si l'historien est dans une impasse, il peut prendre dans d'autres matières et trouver des portes de sortie, d'autres informations qu'il réunit pour son travail de recherche. Donc c'est des domaines de recherche qui vont la géographie, l'histoire et la géographie sont très très liées. Ça, c'est l'exemple le plus concret, mais il y a aussi la psychologie. En histoire militaire, ça s'utilise beaucoup maintenant. L'aspect de la psychologie du combattant, par exemple. Il y a la sociologie. Et il y a tout un tas de matières comme ça qui viennent appuyer le travail de l'historien et qui diversifient son champ de recherche. Et c'est là que c'est très passionnant d'emprunter tous ces chemins, finalement, qui tendent tous vers un but commun. Est-ce que vous auriez un exemple pour nous illustrer comment ces apports des différentes disciplines enrichissent notre connaissance de l'histoire? Mais par exemple, j'ai travaillé sur une bataille célèbre, la bataille de Stalingrad. Il y a eu une étude vraiment passionnante d'une historienne britannique, Catherine Mary Dale, qui a écrit un ouvrage qui est traduit en français qui s'appelle « Les soldats du froid ». Et elle a recueilli des lettres de soldats de l'armée rouge. Elle a fait des entrevues avec des survivants, les familles également, des civils qui étaient dans le secteur de Stalingrad pendant la guerre. Et elle a tiré un enseignement majeur, c'est que l'ascendant psychologique du soldat soviétique sur le soldat allemand se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que les Russes, les soviétiques se sentaient inférieurs aux Allemands depuis, mais ça ça date pas de la Seconde Guerre, ça remonte au 19e siècle, puisque l'Allemand était toujours perçu comme celui qui apportait la civilisation et la technique en Russie, et il y avait ce sentiment d'infériorité très très fort dans la population et dans la hiérarchie, soit militaire ou politique, chez les Russes et les Soviétiques. À partir de Stalingrad, il y a un retournement complet de situation où le soldat russe prend confiance en lui et comprend qu'il est capable de battre son adversaire qui était jusque-là imbattable. Et ça, c'est majeur dans la recherche sur cette bataille-là et sur cette guerre, et en particulier sur le conflit qui oppose l'URSS à l'Allemagne, qui est un conflit abominable. Et à partir de cette date-là, le soviétique prend confiance en lui et sait qu'il peut mener des opérations correctement, proprement, et qu'il peut battre son adversaire. Ça, c'est majeur. Et ça, c'est grâce à Catherine Meridel qu'on le doit. Et son travail sur la psychologie, finalement, des Russes. C'est la lecture des lettres et puis l'évolution, le changement de psychologie des. Oui, oui, parce qu'il y avait vraiment une rupture à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde les lettres des soldats ou des familles avant Stalingrad, ouais. Tout est catastrophique. Ah, oui. Effectivement, le pays est au fond du trou. C'est un gouffre béant qui s'ouvre devant lui. Et d'ailleurs, même les Alliés pensent que l'URSS est fini. On n'a aucune chance. À partir de Stalingrad, il y a un retournement complet de situation. Et c'est assez incroyable d'ailleurs de voir à quel point c'est allé vite. Mmh. Après la bataille, mmh. où tout de suite le soldat, l'état-major, la hiérarchie a pris confiance en elle. Je trouve que c'est un excellent exemple que l'histoire, c'est pas juste des dates et des noms de dirigeants qu'on doit apprendre, comme on peut avoir là, de nos cours du secondaire et ouais. des fois du cégep. Il y a vraiment une profondeur à l'histoire qui est nécessaire pour la comprendre. C'est vraiment extraordinaire. Mmh. Ouais, c'est ça, ça permet de comprendre le comment et le pourquoi, finalement, de l'histoire. Puis en fait, même pour comprendre le pourquoi, il y a un autre outil que vous aimez bien aussi, je crois, c'est l'Uchronie. Absolument. Oui, en fait, mais ça veut dire quoi, l'Uchronie? Alors l'Uchronie, littéralement, c'est un non-temps. L'utopie, c'est un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. Ah ouais. Uchronie, c'est un non-temps, c'est un temps qui n'existe pas, c'est quelque chose qui aurait pu se passer, mais qui ne s'est pas passé. Et c'est un outil qui est extraordinaire pour l'historien, qui sait l'utiliser et qui, faut faire attention à pas non plus tomber dans le roman ou dans un délire quelconque, mais c'est un outil formidable parce que en évaluant un événement tel qu'il aurait pu se passer, on prend conscience de l'événement tel qu'il s'est passé. Ça paraît paradoxal. Et de toute son importance, finalement. Ouais. C'est lorsqu'on mesure ce qui aurait pu se passer qu'on réalise à quel point ce qui s'est vraiment passé est important. Ouais. Donc c'est un outil qui est vraiment intéressant pour les historiens et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, notamment par les historiens français ou francophones. Mm-hmm. C'est un mouvement qui vient des historiens anglo-saxons. Mm-hmm. Une petite question technique. Lorsqu'on lit un ouvrage sur une uchronie, est-ce que normalement on a un contexte historique qui nous permet de comprendre tout l'élément paradoxal de ce qu'on s'apprête à lire? Où on tombe directement dans une uchronie. Une uchronie, non. Il y a, dans les uchronies, les romans par exemple, uchroniques, il n'y a pas de contexte. On est directement dans une histoire qui n'existe pas, qui n'a jamais existé d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on bâtit, on dit tel événement ne s'est pas, pas passé. Et donc l'histoire aurait continué selon tel chemin, et donc le romancier raconte son roman, c'est ça. Oui. Donc ça c'est pour le roman, mais les historiens En histoire, on utilise les faits tels qu'ils se sont passés, ouais. et on fait une digression uchronique en expliquant au lecteur que ça ne s'est pas passé. Il ne doit pas confondre la fiction de la réalité, et on met en lumière un certain nombre d'événements, par exemple. En les faisant dévier de leur trajectoire historique, finalement, pour raconter d'autres histoires. Mm-hmm. Et c'est un travail qui est assez grisant parce que ça fait un peu froid dans le dos parfois. Ouais. Si on pense notamment à la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça, on aurait besoin d'exemples un petit peu pour imaginer le. Je reviens sur la bataille de Stalingrad parce que moi, ou la bataille de l'Atlantique, j'ai écrit dessus. Il y a des. Sur la Seconde Guerre mondiale, il y a des événements qui auraient pu se passer d'une autre manière et qui auraient pu faire de l'Allemagne un pays vainqueur. Vainqueur en Europe, pas forcément vainqueur au niveau mondial, c'est-à-dire que l'ennemi américain est quand même très lourd et est très puissant. Donc les historiens s'accordent à dire à penser que l'Allemagne n'avait finalement c'était compliqué pour elle de toute façon. Mais il y a certains moments où l'histoire aurait pu basculer dans une autre histoire. Je pense à Stalingrad par exemple, c'est une ville qui aurait pu être prise. Et il y a un historien français qui s'appelle Jean Lopez qui a écrit un ouvrage monumental sur Stalingrad et il fait une longue digression sur les possibilités d'une victoire. Et pour lui, une victoire allemande à Stalingrad, c'était la fin de l'URSS. Ouais. Donc au fond, il prédit dans son histoire uchronique que l'Allemagne aurait perdu contre les États-Unis. Qui aurait eu la bombe atomique avant l'Allemagne. Mais en quoi est-ce que ça nous. Ah oui, donc l'Allemagne aurait eu la bombe atomique. Non, les États-Unis auraient vaincu l'Allemagne de toute façon. Ah oui, ok. Mais l'URSS aurait disparu et le communisme avec. Ouais. En tout cas en URSS. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant comme approche. Mais en quoi ça nous éclaire sur ce qu'il s'est passé réellement ? Mais ça met en lumière toute l'importance, la valeur de cette bataille. C'est le phénomène de toute chose étant égale par ailleurs. Mm-hmm. Si quelque chose se passe, et est-ce que le Stalingrad aurait été quand même gagné par les soviétiques ? Beaucoup de gens pensent que oui. Cet historien Jean Lopez pense que non. Toute chose n'est pas égale par ailleurs, justement. Mm-hmm. Voilà, donc ça apporte un éclairage nouveau et ça met en lumière cette bataille qui est archi célèbre. Mm-hmm. Mais ça la met en lumière avec d'autres angles d'approche. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'Uchronie qui ont été utilisés par les historiens? La mienne sur la bataille de l'Atlantique, par exemple. Ouais, donc là, la bataille de l'Atlantique, pour nous remettre dans le contexte, on est à la Première Guerre mondiale. On est dans la Seconde. Dans la Seconde. 1939-1945, ouais. C'est la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale. Elle dure de bout en bout, en fait, de cette guerre. Les Allemands essayent de couler le plus de navires alliés possible pour qu'ils ravitaillent la Grande-Bretagne, complètement asphyxiée par les sous-marins allemands, et qu'ils ravitaillent l'URSS également. Donc les Allemands essayent de couper ces lignes de ravitaillement, ces lignes de vie, pour mettre l'Angleterre à genoux. Mmh. Dans mon histoire uchronique, si l'Allemagne avait fait les bons choix, dans l'entre-deux-guerres notamment, elle aurait pu s'armer mieux pour vaincre l'Angleterre. Et si l'Angleterre avait été vaincue, l'Allemagne aurait pu plus facilement se retourner contre l'URSS. Mmh. C'est des phénomènes c'est un peu les dominos, quoi. Mmh. S'il y en a un qui tombe, tout s'effondre. Ouais. Et l'URSS se serait, dans mon uchronie, l'URSS se serait effondré. Ça, c'est un livre que vous avez écrit, ça fait partie de vos livres? Alors, ça fait partie du livre sur les sous-marins allemands, les U-Boats, pouvaient-ils gagner la bataille de l'Atlantique? C'est le dernier chapitre de mon livre, en fait. D'accord. Et si on revient sur un rôle un peu plus ludique, donc roman, donc il y a des romanciers qui ont utilisé aussi cette uchronie. Tout à fait. Il y a des romanciers, mais alors le problème, c'est que souvent, l'uchronie, elle est quand même associée à des phénomènes terribles, donc les guerres, parce que les gens essaient d'imaginer comment ça se serait passé si tel événement aurait été différent, etc. Donc il y a, la plus connue, c'est Fatherland de Robert Harris, son uchronie, c'est les Allemands ont gagné la guerre. Mmh. Et la guerre froide, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est une uchronie qui est assez glaçante. Ouais. Churchill avait écrit une uchronie. Ah oui ? Oui, sur la guerre de sécession. Il a écrit une uchronie qui est en fait une mise en abîme. C'est-à-dire qu'il imagine un historien qui vit dans un monde où les confédérés ont gagné, et cet historien imagine un monde où les nordistes auraient gagné. Mmh. Donc c'est une uchronie dans l'uchronie. Mmh. Une des plus célèbres, c'est Le Maître du Haut-Château, ouais, de Philippe K. Dick, ouais, qui est une série d'ailleurs télé sur Amazon, que je n'ai pas vue, mais le livre est intéressant parce que là aussi c'est une mise en abîme. Il y a deux uchronies en fait, l'une dans l'autre. Les États-Unis sont dominés par les Allemands et les Japonais, et un livre clandestin circule sur la victoire des Alliés. Ah oui. Un monde avec la victoire, ouais, des Alliés. Ouais, ouais. Bah, je trouve que c'est vraiment fort intéressant d'entendre parler de l'histoire autrement que juste des dates, des personnages clés, d'entendre un petit peu, de voir un petit peu les coulisses finalement de l'histoire. Alors, je vous remercie beaucoup, Boris Laurent, d'être venu nous présenter cette histoire autrement, d'être venu jusqu'à nos studios de CKRL quand même, pour nous faire revisiter l'histoire. Je rappelle que vous êtes historien et journaliste spécialisé en histoire des relations internationales et en histoire militaire, et auteur de nombreux ouvrages sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et il est maintenant 18h, et l'heure bientôt de vous parler du Moonjack.